Annie Veilleux, le plus récent bulletin d'information de sport local et régional de l'édition du 8 février. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant d'une nouvelle quand même très intéressante ce matin. C'est que selon Michel Tifo de CKJ de Ville-Saguenay, semble-t-il que la ville d'Allemagne voudrait organiser le tournoi des cœurs au cours des prochaines années. En entrevue à l'émission Dans le vestiaire hier sur les ondes de CKJ, Sylvie Robitaille a mentionné qu'elle pensait que Ville d'Allemagne aurait les installations pour accueillir une telle compétition. Du côté pour le coucher, je pense qu'on a ce qu'il faut pour les nourrir aussi. Point de vue de l'aréna, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de s'organiser avec le centre Mario Tremblay, avec la grande patinoire, la petite patinoire. Puis ça, je suis sûr que... Mais là, gars, on parle pour parler. Ouais, on fait juste... Sylvie Robitaille, en entrevue également sur les ondes de CKJ, a mentionné qu'elle pense sincèrement que Ville d'Allemagne pourrait l'aider à faire aboutir ce projet. Autre dossier qu'on risque de travailler fort au cours des prochaines semaines, c'est qu'on a appris ce matin que ça travaillerait fort actuellement pour ramener du hockey scolaire à Robertval et Saint-Félicien. Ce serait en division 2 cependant. On n'a pas plus de détails présentement à vous communiquer, okay? Mais au cours des prochaines journées, je vais travailler le dossier et je vais vous revenir là-dessus. Parlons maintenant du classement POC selon le site internet classementpoc.com. Au niveau Bantam, les Hurricanes de Matsuyash sont au 35e rang, les Rapides de Boumsessini au 36e rang et les Ambassades de Sogama occupent le 69e rang. Niveau Midget, le Marcos Pop de Saint-Félicien sont au 2e rang. Les Castors de Debout avec leur victoire au tournoi de Beauport ont fait un bon pas vertigineux, sont au 18e rang, les Ambassades de Sogama occupent le 32e rang. Et les Éperviers de Normandin au niveau Junior occupent le 20e rang. Et les Sabres de Robert au 40e rang. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. On a parlé avec Philippe Lavoie hier qui a participé à un match de l'International Ball au stade des Cowboys de Dallas. Philippe Lavoie qui est de St. John d'Arc et moi, très belle amie au football professionnel. Également, vous pouvez écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec Jason Lajeunesse. Marc Fortier vient nous parler de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Et vous pouvez également écouter les autres entrevues de danradiosport.com. Le sport local et régional, à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.